l'anglais, on va demander à nos auditeurs comment tu t'appelles. Je me prénomme Steve. C'est en quelque sorte un surnom qu'on m'a attribué parce que sur mon carte d'identité, il y a marqué Steve. En écoutant la chanson, on voit que l'anglais, c'est réciproque avec toi. Pour moi, l'anglais, c'est subjectif. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est bien de le savoir, l'anglais, mais c'est pas une obligation. On est en France, il y a des livres en français, des applications sur ordinateur en français. On a beaucoup de matières françaises et je vois pas pourquoi je serais obligé de parler anglais, que ce soit dans mon travail ou autre part, alors que je vis en France et je travaille en France. Le français, tu en parles, c'est la même ? Oui, c'est la même. De toute manière, le français, moi, il me notait à l'envers. Mon score, je crois, c'était moins 35 sur 20. Voilà. Merci pour la motivation. Merci les professeurs. Sur ta chanson Scarface, le titre a été choisi avec soin ? Oui, Scarface, c'est mon boss, Scarface, tu vois. The Mafia, c'est lui qui m'a tout appris. Quel message t'as voulu nous faire partager dans Scarface ? Dans Scarface, en fait, c'est la suite de Localhost. Je balance sur les pratiques que font les grandes surfaces, sur tout ce qu'ils ne nous disent pas derrière la façade, tout ce qui se cache quoi, par rapport au prix du produit annoncé aux consommateurs. La piste suivante sera Cheval de Troie. Un mot rapide, qu'est-ce qu'ils ont les chevaux ? Cheval de Troie parce que c'est en quelque sorte la même que ce qui s'est passé à la PMI. Voilà. Ils ont voulu me mettre la carotte et ils y sont arrivés.